Yeah, TK, intro. On fait de la maille, on fait du bédo. Tu fais le mesquine, que tu fais dodo. On a rien à perdre, mon gars, compte pas trop sur tes doigts. J'ai l'œil sur le rétro. Quand je vois la lispo, mon cœur démarre. Pas du genre à faire le nigo. En cas d'embrouille, c'est moi qui démarre. Et je veux voir ton nom aux infos. Uzi, AK, HK, UMK. Enfin, je sais compter sur mes doigts. C'est fini l'époque des bonbons. J'suis au charbon, il me faut mon marron. Et quand la mélancolie nous guide, on te prépare que tu sales. Ouais, l'argent, ça part si vite. On veut tout à faire de la maille. Les boys de ton équipe sont en dépression. Les gars de mon équipe sont la description. Pour l'enfer, j'ai mes raisons. Dans cette illusion, plusieurs saisons. La mort règne sans contestation. Toute chose que l'on aime est une drogue. L'humain pousse à la consommation. Et l'humain veut qu'on le choque et qu'on sorte le clock. Je veux une vie de rêve. Des gosses, du love. Pour l'instant, y'a que les un clic, on le rover. Je veux voir ma tête sur la cover. Et qui crève dans le movie, ils sont over. T'as pas peur, mais ce monde est un monde où les animaux se cachent quand le tonnerre gronde. Souvent, la douleur est au rendez-vous. Sois pas fou, car la roue c'est du lourd. Elle tourne que quand t'es mou. Ici, on crime pour un salaire. Allez dans les sous qui veut, tu vois sur la civière. Nos erreurs, on les paye cher. Ouais, la guerre, on enterre le salaire. Vos refrains par terre, et l'ennemi est encore plus fier. Car tu sais petit, les grands doivent parfois porter une cagoule et un Uzi. J'fume SD en bas de ma tessie, mes ambitions grossissent. Les traumatismes me décivent, moi j'm'en balèque. Tu veux m'impressionner, sors une arme, ne recule pas, je l'aurais pas fait. Elle se balade, balade sur l'instru, elle trouble ma vue. La folie s'empare de moi, je suis déjà dessus. Ne crie pas gloire à la rue. Elle est pleine de leurs voitures. Sous son armature se cache l'enfer. T'avoir eu, bien sûr que je suis fier. Rendez-vous au cimetière. T'avoir eu, bien sûr que je suis fier. Rendez-vous au cimetière. J'ai des coups à amortir, pourquoi courir? Si la douleur arrive, je la vise. Film d'horreur. Derrière la visière, on ne voit rien. J'appuie play, combien de ces catins finissent sans moyen? De mon bang sans jean, Iwin, combien de ces aristocrates sont clean? Je me prends pas pour mieux, je fais au mieux. Ennemis nombreux, armes à feu, rançonner mes casques au maximum. Que des chiens, peu de bonhommes, tiens la laisse, or you peace. Il existe un chemin qui s'éloigne de l'enfer, mais que faire? Car la guerre est un événement qui brûle ton salaire. Quand la paix est si peu chère. On frime sur l'autoroute criminelle. Détail et détail, cherche la faille d'une banque. J'ai mes couilles et mes rails. Avant première, je coupe la pâte. On ne récolte, on ne sème que la weed. Le bolide est speed, on espère la réussite. Cogite un peu, on ne renaît que dans le feu.